Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'incident survenu à la centrale nucléaire du Blayais en Gironde dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, le jour où la France est passée à deux doigts de la catastrophe nucléaire majeure. De cet événement, vous ne vous rappelez sûrement pas grand-chose, tant il est passé inaperçu dans le paysage médiatique, noyé à la fois dans le silence stratégique des autorités et dans l'inondation provoquée par la tempête du siècle fin décembre 99. Pourtant, de mémoire d'agent d'EDF, à Blaye, on n'est jamais passé aussi près du drame ultime, la fusion d'un réacteur. L'incident au sein de cette centrale, située à 60 km seulement de Bordeaux, nous a placés concrètement face au risque nucléaire. Malgré toutes les normes et les mesures de protection en vigueur, qui sont nombreuses et sérieuses, la centrale du Blayais, c'est son nom, s'est retrouvée les pieds dans l'eau. Heureusement pour nous tous, malgré l'inondation de circuits vitaux, le plan d'alerte a bien fonctionné et a permis, nonobstant des dégâts considérables, d'éviter que l'incident ne se transforme en désastre. 11 ans plus tard, c'est à Fukushima, au Japon, qu'une autre catastrophe allait se produire et révéler toute la fragilité de cette cathédrale de l'atome face aux risques climatiques dont on sous-estime trop souvent la portée. Une thématique qui nous rappelle que la France a composé il y a 50 ans un panier énergétique délirant où le nucléaire tient une place écrasante. Aucun pays au monde n'a fait un tel choix. Rendez-vous compte qu'en France, personne ne peut habiter à plus de 100 km d'une installation nucléaire, usine, déchet ou centrale. D'un côté, excellence des mesures de protection, de l'autre, un risque plus grand que tous les autres, avec son cortège de contamination, de mort directe ou différée, une sorte d'ennemi invisible. Alors, que s'est-il passé exactement à Blaye en cette nuit de décembre 1999? Quelles sont les responsabilités? Est-il possible de garantir la sécurité totale de nos sites malgré des dérèglements climatiques constants? Pour en parler, deux invités seront avec nous dans ce studio. Charlotte Mijon, l'une des porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, dont l'intitulé affiche clairement la nature du combat. Et Thierry Charles, directeur général adjoint de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui veille précisément et tous les jours sur notre sécurité. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzeau qui s'est rendu auprès des riverains de la centrale de Penly, en Seine-Maritime. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Léa Dupouy-Henquin, Ida Bory, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique aujourd'hui Julien Dumont, Fabrice Desmaz. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'histoire de la maîtrise de l'atome demeure intrinsèquement liée à la culture scientifique de notre pays. Des premières observations d'Henri Becquerel à celles des premières expérimentations des époux Curie et de leurs descendants, les Joliot Curie, la France va très vite prendre place pour un voyage sans retour sur les chemins de la science atomique. C'est clair, l'ADN du nucléaire est français. C'est à la fin des années 50, sous l'impulsion du général de Gaulle, que l'atome devient un prestigieux symbole du renouveau pour le pays, tant d'un point de vue militaire qu'énergétique. Il faut dire qu'à ce moment-là, le monde a déjà basculé dans la guerre froide, opposition psychologique et militaire, où l'équilibre précaire entre l'Est et l'Ouest repose sur la toute-puissance de la dissuasion atomique. Dans ce contexte, la politique nucléaire de la France sera donc celle du général. Elle sera indépendante, sans partage et sans concession. Il s'agit de savoir si nous aurons ou si nous n'aurons pas, nous aussi, de quoi nous défendre. Nous avons décidé d'avoir ce qu'il nous faut, et d'autant mieux et d'autant plus que cette puissance nucléaire, comme on dit, est liée directement à l'énergie atomique elle-même, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain. C'est dans le cadre de cette politique avant-gardiste, symbole de la toute-puissance française retrouvée, qu'on érige rapidement un plan pour doter l'Hexagone de quelques centrales nucléaires civiles. Des installations exploitées par EDF, sous contrôle du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, qui doivent répondre aux prévisions de demande d'énergie croissante de la population dans les décennies à venir. Un engagement qui se traduit notamment en 1963 à Chinon, sur les bords de la Loire. Témoin marquant de la progression industrielle française, les trois centrales nucléaires que l'Électricité de France édifie sur les bords de la Loire à Chinon ont reçu la visite de M. Georges Pompidou. Dans trois ans, ces trois centrales, EDF 1, EDF 2 et EDF 3, totaliseront une puissance de 600 000 kW. Cette visite constituait, si l'on peut dire, le morceau de choix du voyage d'information que le Premier ministre vient de faire en Touraine et qui devait lui donner l'occasion de rencontrer à Montlouis son prédécesseur à Matignon, M. Michel Debré, autour d'un verre de vin de la Loire, bien entendu. Chinon, mais aussi Saint-Laurent-des-Eaux, encore le Bugey, les sites se multiplient en conformité avec les prévisions toujours plus optimistes des statisticiens sur les besoins électriques. L'implantation des centrales nécessite la proximité de points d'eau pour le refroidissement du cœur des réacteurs. Or, elles s'organisent sans forcément prendre en compte les réalités du terrain, inondations possibles des sols, présence de failles sismiques, zones considérées à risque. Et c'est ainsi que poussent-elles des champignons d'immenses réacteurs et des cheminées de béton de 150 mètres de haut qui viennent défigurer les paysages en Pays de Loire. Cet étonnant contraste entre besoins réels et nécessités hypothétiques est accentué par une autre réalité de l'époque, celle où le pétrole roi, toujours bon marché, continue d'alimenter les centrales conventionnelles, laissant à l'énergie nucléaire le soin de cohabiter avec lui à titre marginal ou complémentaire, pour l'instant. Il faut attendre le début des années 70 pour assister au véritable tournant dans l'évolution de la filière nucléaire. En effet, les débuts de la guerre du Kippour en octobre 73 et la flambée des prix du pétrole qui s'ensuit font prendre conscience aux pays occidentaux que le temps de l'énergie facile, illimitée et insouciante est terminé. En France, la population découvre les campagnes de publicité sur les économies d'énergie à la télévision. Celles-ci se succèdent avec des messages qui restent encore inscrits dans la mémoire collective. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. La pétanque. Une histoire glorieuse. On a aussi une situation géographique privilégiée. La tour Eiffel et la pêche à la ligne. Oui, en France, on a tout ça. Et bien plus encore. Pourtant, une chose nous manque. Une chose essentielle. Le pétrole. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Et parmi ces idées qui vont progressivement germer, il y a celle qui consiste à remplacer la production d'électricité provenant des centrales au fioul par le nucléaire. Et sous l'impulsion du Premier ministre Pierre Messmer, ce choix va s'imposer sans débat parlementaire ni étude industrielle sur la question. Premier déni de démocratie, l'autre ADN de l'énergie atomique. Désormais, la dépendance au pétrole sera remplacée par l'addiction au nucléaire au nom de la raison d'État. À partir de 1974, la France entre dans deux décennies de folie constructive autour de ses centrales. Le nucléaire est devenu une religion d'État, dogmatique et défendue par toute une technocratie de plus en plus puissante au cœur même du pouvoir. Ainsi, en l'espace de 20 ans, ce ne sont pas moins de 58 réacteurs qui vont être mis en chantier pour une moyenne de construction estimée entre 3 et 4 par an. Un chiffre astronomique pour un pays de la taille de la France et surtout par rapport aux besoins réels de sa consommation d'énergie. Du côté de la population, c'est selon. Il y a les Françaises et les Français qui y voient un réel progrès, puis il y a ceux que ce choix inquiète. Et ceux-là se font entendre un peu partout sur le territoire. Des petits mouvements de contestation se forment. On réclame la consultation des populations locales avant la décision de mettre le projet en chantier. Au fil des mois, la contestation s'organise, comme ici à Fessenheim en 1975, contre le projet de centrale. Le Luxembourg est le seul pays au monde. À Fessenheim, il y a 4 ans, ils étaient 1500 pour la première manifestation européenne contre l'énergie nucléaire. Hier, ils étaient 10 000 malgré le froid et le temps gris. 10 000 venus de toute l'Europe et partagés entre les discours des écologistes et des scientifiques et l'immense braderie installée aux abords de la scène principale. Car il fallait en profiter, c'était le dernier rassemblement du genre pour Fessenheim, une centrale déjà en travaux. Après, nous passerons à d'autres formes d'action. Si nous n'obtenons pas gain de cause, c'est-à-dire si nous n'obtenons pas d'être considérés comme des citoyens à part entière, ayant droit à la discussion honnête et publique. Quelles sont les autres formes d'action que vous pouvez envisager ? Alors, les autres formes d'action, je ne peux pas vous décrire tout. Nous resterons dans la ligne que nous nous sommes tracés, ce qu'on nomme généralement les moyens non violents. Nous ne comptons pas placer des bombes, etc. « Pour les manifestants, la véritable difficulté est d'arriver à concentrer leurs efforts sur un même site. Car sur le territoire, le scénario reste le même. Ici et là, se préparent à sortir de terre des centrales protégées par des cordons de CRS. À la télévision, on s'emploie à mettre en avant les bénéfices du nucléaire, quitte à minimiser les risques au profit de l'emploi, de l'énergie et du modèle économique. Outre les populations, la contestation va vite mobiliser des maires, des agriculteurs ou encore des personnalités de la vie publique, que ce soit en Bretagne, dans les Ardennes ou encore dans le sud de la France, mais aussi à l'échelle européenne, principalement chez le voisin ouest-allemand. Pour tous, il ne s'agit pas de s'opposer avec fracas au lobby politico-nucléaire, mais plutôt de demander des moratoires, des échanges, des discussions sur le sujet. Dialoguer, oui. Imposer, non. Progressivement, on assiste à des altercations de plus en plus fortes entre manifestants pacifiques et forces de l'ordre chargées d'assurer la protection des sites en construction. À Crémalville, dans la région lyonnaise, en 1977, ce combat coûtera même la vie à un homme de 31 ans, Vital Michalon, tué par le souffle d'une grenade offensive lancée par les CRS. Il avait dit non au projet de surgénérateur Super Phoenix, qui se révélera des années plus tard être un échec technologique majeur. Et puis, en 1979, intervient l'accident de la centrale de Three Mile Island aux États-Unis. Preuve indéniable que malgré les procédures de contrôle, un accident est toujours possible et qui peut se révéler catastrophique. C'est cet incident qui va conduire les États-Unis à abandonner la construction de nouvelles centrales nucléaires. Pourtant, malgré cette première preuve mondiale du risque nucléaire, le président français, à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, tente de convaincre l'opinion du bien fondé de la démarche française. Il est accueilli par les sifflets, comme ici à Valogne, au mois de décembre 80. La France a engagé un programme électronucléaire qui est un programme électronucléaire dont personne ne peut faire oublier ici qu'il est approuvé à la fois par le Parlement et par l'immense majorité de la population française. Et notamment par les travailleurs et par les jeunes, qui savent parfaitement qu'il n'y aura pas d'emploi en France en l'an 2000 si nous ne disposons pas d'une source d'énergie indépendante. Indépendance, oui, sauf que le processus passe aussi par l'Afrique. Le combustible nécessaire à la production d'énergie atomique, le fameux uranium, doit être en effet importé du continent noir, principalement du Niger. Si bien que le discours optimiste du président sur les atouts économiques du nucléaire ne convainc pas tout le monde. Alors en coulisses, les lobbies du nucléaire, que sont EDF, le CEA, mais aussi la Cogema et Framatome, entrent en action. On l'appelle la nucléocratie. En 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir est porteuse des plus grands espoirs dans les courants écologistes. Car pendant sa campagne, celui qui se dit partisan de la force tranquille et de l'apaisement a clairement affiché sa position sur le nucléaire. J'ai été attaqué récemment par le président de la République sortant, je ne sais comment l'appeler, finissant, qui précisément se flattait d'avoir assuré que quiconque cette indépendance énergétique assortie dans son cas d'une politique dite tout nucléaire. J'entends réserver mon jugement et je dis très simplement, au risque de déplaire là où je m'adresse à des publics comme ceux-ci, ce qui est le cas tous les soirs, que j'entends terminer les centrales en construction, que je n'entends pas mettre en œuvre celles qui ne le sont pas, et que Plogoff ne figure pas et ne figurera pas dans mon plan nucléaire. Plogoff et son projet de centrale sera donc abandonné, comme l'avait promis François Mitterrand. Il faudra cependant pour les écologistes admettre les trains de déchets nucléaires qui vont désormais traverser la France. La gauche a ralenti la machine, mais ne compte pas pour autant s'écarter de la voie tracée par ses prédécesseurs. Aussi, du côté de Brault et Saint-Louis, en Gironde, à 60 km de Bordeaux, les habitants veulent-ils devoir s'habituer à la réalisation d'un projet contre lequel ils ont pourtant beaucoup lutté, celui de la centrale du Blayais. Une centrale qui, on va le voir, va frôler la catastrophe pendant la tempête de l'hiver 1999. Située à 60 km de Bordeaux, sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, la centrale nucléaire du Blayais s'étend sur une superficie de 227 hectares, soit la taille de 42 terrains de football. Elle a été construite au cœur d'un marais rural où certaines espèces sont protégées et où, plus grave, les risques d'inondation sont connus. Mise en service le 21 juin 1981, la centrale alimente la région et le bassin aquitain en électricité grâce à ses 4 réacteurs à eau pressurisée développant une puissance totale de 3600 kWh, ce qui représente près de 2 fois les besoins de la région en électricité, allez comprendre. Sur place, 1300 agents travaillent pour EDF, force à laquelle il faut ajouter 700 prestataires. C'est donc une source d'emploi importante. Mais à Blaye, plus qu'ailleurs, on veut surtout montrer le côté infaillible de la centrale. Les médias sont donc souvent invités à participer à des visites guidées qui tentent à prouver l'inviolabilité du site. Démonstration ici avec Jean-Louis Douance, ingénieur en charge de la radioprotection. Bon, ici nous arrivons donc à la salle de commande du bâtiment auxiliaire nucléaire. Et ici c'est un peu la gare de triage de tous les effluents. Ouais. Donc tous les effluents radioactifs, vous avez un synoptique donc, qui vous donne le cheminement de tous les effluents. Les effluents donc, du circuit primaire sont en général triés, donc récupérés et réinjectés dans le circuit primaire quand on en a besoin. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit qui se passe à un moment, à un quelconque endroit de la centrale, immédiatement vous le savez. Immédiatement ici on le sait. Voilà, là on se trouve devant l'entrée du SAS du réacteur. Personne n'entre. Derrière, personne ne rentre. On n'a pas besoin de faire une surveillance visuelle de tout le matériel qu'il y a à l'intérieur. On ne rentre que lorsque le réacteur est en arrière froid, donc c'est un terme, disons, de chez nous, et la pression atmosphérique et la température est inférieure à 90 degrés. En tout cas, là, on se trouve, nous, dans la situation la plus proche du réacteur. Oui. Alors, est-ce qu'on peut mesurer éventuellement la radioactivité? La mesure de radioactivité avec l'appareil que je tiens dans ma main, je suis sur l'échelle la plus faible et on se rend compte que l'aiguille ne dévie pas. Une aiguille qui ne dévie pas, comprenez ici une radioactivité zéro. D'un point de vue de la sûreté, après l'incident de Three Mile Island, on veut montrer qu'ici à Blaye, tout est fait pour garantir la fiabilité du site. Mais les écologistes ne baissent pas les bras. Au milieu des années 80, plusieurs événements vont venir relancer la polémique. Tout d'abord Tchernobyl, bien sûr, en 1986, catastrophe sans précédent à l'origine d'un mensonge d'autant plus grand en France qu'il est un mensonge d'État. Cet épisode, vous vous en souvenez sûrement, c'est celui du professeur Pierre Pellerin qui affirmait alors à tous ceux qui voulaient bien le recevoir sur leur plateau de télé que le nuage radioactif provenant d'Ukraine ne passerait pas sur la France et qu'il ne fallait donc pas s'inquiéter. 29 ans plus tard, on sait que ce nuage a traversé le territoire, principalement à l'est et sur la Corse, contaminant sur son passage ses cultures et sa flore. Une triste vérité qui n'a fait que renforcer le doute des populations. Doute face au danger réel ou supposé de l'énergie nucléaire et doute également sur la parole de l'État accusé de cacher la vérité. Et puis en 1987, il y a cette étonnante affaire que va révéler le Canard enchaîné qui bat en brèche l'idée reçue sur la sécurité des centrales. Des agents de la DGSE, notre service d'espionnage, ont réussi à s'introduire dans les centrales françaises dans le cadre d'exercices commando et ont réalisé des manœuvres destinées à nuire à l'édifice ou à son fonctionnement. En 1990, ce sont les écologistes de Bordeaux qui frappent un grand coup en présentant les plans de la centrale de Blaye qu'ils ont réussi à se procurer. Leur but est bien de prouver que la sécurité des sites nucléaires laisse à désirer, comme le dit leur représentant et adjoint au maire de Bordeaux, Michel Duchesne, au micro de France Inter. Nous avons voulu montrer que des plans d'une centrale nucléaire, des plans qui comportent les chemins d'accès au cœur même du réacteur, peuvent être diffusés dans le grand public ou du moins qu'on peut les avoir relativement facilement. Ça nous paraît grave car ça prouve que les centrales nucléaires ne sont pas fiables au niveau de la sécurité. Nous le savions déjà pour ce qui est du fonctionnement normal, mais pour ce qui est de la sécurité au niveau de l'entrée, ce n'est pas le cas. Contrairement à ce qu'a dit le directeur de la centrale en affirmant que ces plans n'étaient pas importants, tout d'un coup aujourd'hui le parquet se réveille. De manière très rapide d'ailleurs, puisque on nous a prévenu que nous devions rendre immédiatement les plans, sinon nous allions subir des perquisitions. Nous voulions rendre ces plans de toute façon. Effectivement, ces plans sont très importants, le grand public peut les avoir et la sécurité des centrales n'est pas assurée. La sécurité semble d'autant moins assurée qu'en 1995, on découvre au cœur même du site du Blaye, alors occupé par un conflit social, une tentative de sabotage, heureusement sans gravité. Mais le grand paradoxe du début des années 90, ce sont ces nombreux rapports, qu'ils soient industriels ou parlementaires, sur le nucléaire. Des rapports dans lesquels leurs auteurs ne ménagent pas EDF, qui a, selon eux, construit trop de centrales et qui a mal calculé ses prévisions de demande d'électricité. Ce à quoi EDF répond que oui, il y a eu des erreurs dans la gestion du parc nucléaire, mais que l'on peut s'estimer optimiste pour la décennie 2000. Bref, dormez tranquille. À ce moment précis, personne n'imagine qu'à quelques jours de l'an 2000, tout aurait pu basculer. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'incident à la centrale du Blaye. Nos invités, ils sont deux aujourd'hui. Charlotte Mijon de Sortir du nucléaire et Thierry Charles de l'IRSN. Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, la météo se déchaîne sur tout le territoire métropolitain. Une tempête balaye le littoral atlantique avec des vents d'une violence jamais vue, près de 200 km/h par endroit. En Gironde, comme ailleurs en France, la population fait face à la tempête du siècle. Les rivières débordent de leurs lits, les lignes électriques sont détruites, des arbres arrachés, les moyens de communication interrompus. En l'espace d'une nuit, ce ne sont pas moins de 2 millions de personnes qui se retrouvent sans électricité et parfois les pieds dans l'eau. De son côté, les communes de Braux et Saint-Louis, où se situe la centrale de Blaye, n'échappent pas à la règle. Dans cette zone marécageuse, l'eau monte de près de 60 cm par endroit. Puis, dans un élan ininterrompu, l'eau de l'estuaire de la Gironde finit par faire céder la digue de protection autour de la centrale, la coupant ainsi de la route qui permet de la relier au reste de la zone. Dans le quart d'heure qui suit, les sous-sols du site nucléaire sont inondés par une déferlante d'eau salée. Les installations de 3 de ces réacteurs sont touchées. Les agents d'EDF sur place constatent que 2 circuits de sauvegarde sont hors d'usage, notamment celui qui permet de faire baisser la température en cas d'accident. Le refroidissement des cuves, pilier de la sûreté nucléaire, est menacé. Plus grave encore, cet événement engendre la mise hors service de 2 des 4 pompes du circuit de refroidissement du réacteur numéro 1, organes vitaux pour la centrale, car ce sont elles qui sont chargées d'empêcher toute fusion du cœur, ce qui provoquerait une catastrophe comme celle de Three Mile Island ou de Tchernobyl. L'information gardée secrète ne sera révélée qu'une semaine plus tard par le quotidien Sud-Ouest. À la cellule de crise mise en place pour l'occasion, le préfet délégué à la sécurité de la Gironde, Jacques Géraud, parce qu'il est préfet, tente de rassurer. On n'a jamais, pour répondre très clairement à votre question, été dans une hypothèse d'évacuation de la population. Il ne faut quand même pas négliger la vérité. C'est-à-dire qu'on a été en alerte numéro 2 dans l'échelle des incidents nucléaires et que donc la situation était un peu préoccupante. Enfin, tout le monde ne partage pas la même analyse sur la gravité de l'accident. Du côté des populations et surtout des associations, on s'insurge du manque de transparence d'EDF et des autorités. La tempête et l'inondation se sont déroulées à marée basse et ont fait déborder la digue construite en théorie pour résister à une crue millénaire. Que se serait-il donc passé si la marée avait été haute ? Pour Jean-Pierre Dufour, physicien nucléaire, membre des Verts, on a bel et bien échappé de peu à la catastrophe. On était plutôt au niveau 4, c'est-à-dire très sérieux. Donc on a couru un risque tout à fait important. D'accord, de quel type ce risque ? Ah ben le risque c'est qu'effectivement on perde le contrôle du cœur du réacteur, qu'il fonde, et à partir de ce moment-là, il ne peut plus y avoir de contrôle, il fond, et on est dans une situation d'accident plus ou moins contrôlée. Après la tempête, l'autorité de sûreté nucléaire, la SN, reprochera à EDF de s'être basée sur des hypothèses d'agression naturelle beaucoup trop optimistes lors de la construction de la centrale. En conséquence, la SN demande à EDF de rehausser la digue et de revoir sa copie sur la conception du risque. Quelques jours plus tard, l'hebdomadaire Le Point jette un pavé dans la mare. Il publie dans son numéro du 14 janvier les extraits d'une lettre provenant de la DRIR, Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, gendarme en la matière, et dans laquelle on peut lire que depuis le 19 novembre, il a été demandé à EDF de procéder à la modification de la digue dans les délais les plus brefs pour parer à toute éventualité. Pire encore, 2 ans auparavant, une note technique du service de l'équipement d'EDF dans le bilan annuel de sûreté de la centrale préconisait déjà de modifier la digue pour relever sa hauteur de 50 cm. Il faudra attendre 2 ans et un accident qui aurait pu se révéler dramatique pour qu'enfin on agisse sur ce point. Pour les associations antinucléaires, cette révélation est un aveu, celui de tout un système qui n'est pas capable de gérer le danger qu'il concentre entre ses mains. Dans les semaines qui suivent, alors que l'on se rapproche de la date anniversaire de Tchernobyl, de grands rassemblements sont organisés pour protester à proximité de la centrale. Manifestants pacifiques contre gaz lacrymogène des gendarmes mobiles, on connaît la chanson. Pour Stéphane Lhomme, président de l'association Tchernoblaï, un collectif girondin pour la sortie du nucléaire créé quelques jours seulement avant l'incident et qui entend mobiliser et informer la population sur les risques inhérents à conserver une centrale nucléaire dans son voisinage, les incidents à répétition font du site du Blayé, centrale vieille de 19 ans en l'an 2000, un site dangereux qu'il faut fermer. Malgré cette mobilisation, EDF n'entend pas mettre à l'arrêt le site avant 2020-2025. Dans le même cas que Blaye, on trouve la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, où un incident dramatique en 80 avait conduit à une fusion partielle du cœur du réacteur, le plus grave incident nucléaire jamais répertorié en France. Mais il y a aussi Chinon, Dampierre, menacée elle aussi par les crues intempestives de la Loire, car installée en zone inondable. De son côté, la centrale de Fessenheim en Alsace est placée sur une faille sismique. Si Alexis de Tocqueville était encore en vie, peut-être nous dirait-il que nous nous endormons sur un volcan. Saurions-nous l'écouter ? Shit up. DP, GC, my nigga turn that shit up. CPT, LBC, yeah we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah they giving it up. Low life, yo life, boy we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe with 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving your stress. fucking DRE. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CBT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hoods. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft. Till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Affaire sensible aujourd'hui, l'incident à la centrale du Blayais. Deux invités avec nous. Charlotte Mijon, vous êtes, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire, association créée en 1997, qui fédère plusieurs centaines de collectifs locaux en France autour d'une revendication politique, hein, de sortie du nucléaire civil et militaire d'ailleurs, j'imagine, hein. Oui. Avec nous également Thierry Charles, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint de l'IRSN pour les questions de sûreté nucléaire. Vous avez notamment participé aux actions dans le cadre de l'accident de Fukushima, allant des actions d'information sur l'accident jusqu'à la définition des actions à mener sur les installations françaises pour y renforcer la sûreté. Un mot de l'IRSN pour que nos auditeurs fassent connaissance avec vous, mieux connaissance, parce qu'on voit de plus en plus, hein, lorsqu'il y a des accidents, des questions d'actualité nucléaire, vous venez expliquer, vous êtes à la solde de personne, hein, ni de l'État, ni des exploitants, ni des anti-nucléaires, vous êtes là, voilà, à faire des constats, j'imagine, objectifs, d'ingénieurs, scientifiques, c'est ça l'IRSN? Tout à fait, nous sommes un établissement public, en fait, nous dépendons de 5 ministères, nous avons parmi nos missions, je dis bien parmi nos missions, un rôle d'appui technique auprès de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, notamment pour porter des avis sur les dispositions que propose l'exploitant pour assurer la sûreté. Donc voilà une de nos missions, on vient appuyer l'ASN dans ses décisions. Une autre de nos missions, c'est participer à l'information sur les risques nucléaires et sur les événements qui surviennent lorsqu'ils surviennent dans les installations nucléaires. Ce qui conduit notamment à ce qu'on produit sur notre site différentes notes d'information qui vont expliquer, le but c'est d'expliquer, de faire comprendre quels sont les problèmes, quels sont les risques, quelles sont les parades, ce que l'on connaît sur le sujet. Alors Thierry Charles, je vous pose la question, est-ce qu'on est passé, oui ou non, tout près, au Blayais, de l'incident nucléaire majeur, je veux dire la fusion du cœur, qui ne fait pas forcément des victimes. Fremantle Island, il n'y a pas eu de victimes humaines, mais c'était extrêmement grave. Ben, ça peut être aussi Tchernobyl ou Fukushima, alors là, c'est une autre histoire. Est-ce qu'on est passé tout près de cet accident grave, oui ou non, en toute objectivité? Eh bien, en pratique, voir une chose, c'est que les fonctions de sûreté sont restées assurées. Pour un réacteur, quelles sont les fonctions de sûreté? C'est, un, de l'arrêter, de le maintenir à l'arrêt et de le refroidir. Donc, de ce point de vue-là, les fonctions de sûreté ont fonctionné. Par contre, les systèmes de sûreté qui étaient utilisés pour assurer le refroidissement étaient dégradés. Donc, les niveaux de redondance, c'est-à-dire qu'en général, en matière de sûreté, on a différents systèmes redondants qui permettent d'assurer la même fonction, de faire la même chose, finalement. Donc, certains de ces systèmes ont été perdus, et d'autres systèmes, eux, dits de sauvegarde, qui, s'il y avait eu en plus un accident sur la centrale, auraient dû jouer leur rôle pour éviter la fusion, eux étaient perdus. Donc, bien entendu, quand on a une situation où on perd des niveaux de sauvegarde et on perd des niveaux de défense, on se rapproche de l'accident. Il est évident que plus on dégrade une situation, plus on va vers l'accident. Donc effectivement, on n'était plus en situation normale, mais on n'était pas encore dans l'accident. On était en situation intermédiaire, où on avait de quoi fonctionner, mais avec moins de redondance. Charlotte Mijon, je rappelle que le réseau Sortir du Nucléaire a été créé en 97, notre histoire s'inscrit en 99, donc 2 ans après. Hein. Oui. Donc Sortir du Nucléaire était déjà là. Oui. À la question que je viens de poser, quelle est votre réponse? Ben, on est passé effectivement à 2 doigts de la catastrophe. Ce qu'on a su plus tard, c'est que les autorités ont effectivement pensé à évacuer Bordeaux. Mais ça ne s'est pas dit. Nous, les informations qu'on a eues à ce moment-là, elles sont sorties, non pas par EDF, il ne faut pas compter sur EDF pour communiquer là-dessus, mais par la DRIR, comme vous l'avez dit, qui a informé les médias. Coïncidence ou pas, 3 mois après, la personne qui avait sorti l'information était mutée. Donc, ça en dit long sur le degré de transparence et la capacité qu'on peut avoir à s'exprimer là-dessus. Il y a quelque chose qu'il faut noter par rapport à ce qui s'est passé donc au Blayais, qui est grave. On aurait pu passer à 2 doigts de la catastrophe, mais on a eu énormément de chance. Pourquoi ? Parce que on était à quelques jours de l'an 2000, et avec cette crainte du bug de l'an 2000, tout le monde avait tout vérifié, tous les équipements, les diesels fonctionnaient, on avait vérifié que certains équipements fonctionnaient. Maintenant, si une telle grosse tempête survenait, eh ben tout le monde ne s'est pas activé pour vérifier que tout fonctionnait, eh bien là, on peut penser que peut-être, mais on aurait beaucoup moins de chance et on aurait des défaillances qui s'accumuleraient qui mèneraient peut-être à quelque chose de très très grave. Alors, bon, on va pas refaire l'histoire, mais ce qui est important, c'est de savoir quels sont les enseignements qu'on a tirés de cet événement. Je vous pose la question, Charlotte Mijoux, bien sûr, je vous poserai la même, Thierry Charles, ensuite. Les enseignements. Les enseignements, c'est bien sûr qu'en matière de nucléaire, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. L'accident n'est jamais écarté et que quelle que soit la prétendue sûreté, les installations ne sont pas à l'abri. Ce qu'on voit là, c'est que, comme vous l'aviez dit, on n'était même pas lors des plus fortes marées. Or, des événements climatiques importants, avec la conjonction d'une forte marée et d'une tempête, ça peut se reproduire. Ça risque même de se reproduire de plus en plus dans le futur avec les effets du changement climatique. Et ça, c'est extrêmement préoccupant parce qu'on a beaucoup de centrales qui sont au bord de fleuves, en bord de mer. Je pense à la centrale nucléaire de Gravelines dans le Nord, qui est située non seulement donc tout près de la mer, mais construite sur un polder et construite au milieu d'une énorme zone industrielle avec un terminal méthanier et donc des risques industriels qui sont énormes. Si un accident survient à Gravelines, c'est extrêmement grave. Comment on intervient? Comment on fait pour gérer à la fois la catastrophe nucléaire et potentiellement un incident sur un dépôt pétrolier ou quelque chose comme ça? C'est complètement ingérable. Donc, on sait que ce genre d'événements peuvent se reproduire. Thierry Charles, juste 2 points. Donc, un premier point, c'est que durant l'incident qu'il y a eu à Blayais. Quelle différence entre accident et incident? Tout simplement, c'est qu'il n'y a pas eu de conséquences en termes de rejet, tout simplement. L'installation est restée dans ses conditions de fonctionnement, même si on avait perdu beaucoup de redondance. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que c'est un incident, de ce point de vue, significatif, très significatif, parce qu'il a conduit à dégrader ce qu'on appelle les dispositions de protection de la centrale. Donc, durant l'événement en question, bien entendu, les systèmes de crise se sont mis en place et ont réfléchi à quelle était la situation qui pouvait survenir. Et donc, ce qui vient d'être dit sur les possibilités éventuelles de devoir intervenir pour évacuer des personnes, c'était dans des situations où, s'il y avait eu encore d'autres perte de système, ça pouvait conduire, bien sûr, à un moment donné, à ce qu'il y ait un réacteur qui perde son refroidissement et qui puisse aller jusqu'à la fusion du cœur. Donc, c'est vraiment dans la réflexion sur le what if, qu'est-ce qui se passe si, quoi. Donc, ça, c'est le point important. Maintenant, donc, pourquoi Blayais était significatif, marquant, finalement? C'est pas par les conséquences. Quand les conséquences, on a vu, l'installation, elle, a été refroidie, ses systèmes de fonctionnement ont permis de la refroidir. Mais plus parce qu'il a montré. Et qu'est-ce qu'il a montré? Un, c'est que la protection contre les inondations était insuffisante. Quand on regarde, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui avait été sous-estimé, c'est les effets de vagues en milieu d'estuaire. En fait, la protection des centrales prévoit de dimensionner les digues, notamment qui sont autour du site, de telle façon que l'on prenne en compte, bien sûr, les plus hautes eaux, et puis les effets de houle qui ondulent sur le plan d'eau, qui peuvent faire monter le niveau d'eau. Et dans le cas particulier du Blayais, à l'époque de la tempête Martha, donc avec de très forts vents, les vagues, finalement, ont conduit à envoyer des paquets d'eau au-dessus de la digue. Donc le niveau d'eau était en dessous de la digue, mais les vagues, elles, ont projeté de l'eau sur le site. Pardon, Fukushima, est-ce que c'est un parallèle aussi de tsunami, digue? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux? Évidemment, il y a des conséquences qui n'ont rien à voir, mais d'un point de vue technique. Disons que dans le cas de Fukushima, là, le niveau d'eau a atteint 10 mètres sur le site. Donc, il y a eu 10 mètres d'eau qui ont été présents sur le site, donc plus 4 mètres d'eau par rapport à la plateforme. Donc, là, vraiment, le site a été complètement inondé. Dans le cas du Blayais, vous avez eu une inondation partielle du site. Pourquoi? Parce que les vagues ont projeté de l'eau sur la plateforme où étaient implantés les réacteurs. Et donc, vous avez eu, dans une zone du site, jusqu'à 30 cm d'eau, qui après, quand la tempête a diminué, cette eau-là s'est retirée. Mais pourquoi? Donc, je reviens à pourquoi significatif. Donc, premier point, cette protection qui est censé éviter que l'eau rentre sur la plateforme, donc là par l'effet des vagues, a été insuffisante. Premier point. Deuxième point, à la limite, 30 cm d'eau, est-ce que c'est grave? Ça aurait pu ne pas l'être si tous les moyens d'entrée d'eau dans les bâtiments avaient été étanches. Or, ce n'était pas le cas. L'eau a retrouvé des caniveaux enterrés et donc a cheminé par les caniveaux enterrés et est partie vers les sous-sols des bâtiments, les sous-sols de certains bâtiments. Et c'est comme ça qu'ont été perdus certains systèmes, parce que l'eau en cheminant dans les caniveaux a conduit à enfoncer des portes, c'est le cas de le dire, et à l'arrivée à noyer des pompes. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc ça montre bien deux choses. Un, il faut travailler sur la réévaluation de l'aléa, c'est-à-dire le risque d'inondation. Oui. Et deuxièmement, sur la protection dans les installations. Alors Jean, par rapport à Gravelines, est-ce que nous est Charlotte Mijon qui nous alertait sur Gravelines? Gravelines, c'est le même sujet. Mais il faudrait une chose. Tous les sites nucléaires ont des contraintes liées au site. Que ce soit le séisme, l'inondation, les vents, les températures, ce que vous voulez. Donc, il faut partir de ce principe-là. Chaque site, potentiellement, a des contraintes. Première question, c'est quelle est l'intensité de la contrainte? Si on veut s'en prémunir, si on veut s'en protéger, il faut les connaître. Donc, Gravelines, c'est comme pour Blayé, il faut définir quel est le niveau de submersion possible du site. Premier objectif, c'est donc, partant de là, de mettre en place des digues contre ceci. Mais quand on dit ça, il faut arriver à apprécier relativement, finement, quel est le risque d'inondation, finalement. Et donc, dans les démarches de sûreté, bien sûr, il y aura des études pour tenir compte des crues millénales, centennales, ce que vous voulez, et ensuite, des marges prises pour justement tenir compte des incertitudes. Charlotte Mijon, peut-être une réponse à cette direction qui est proposée par les pouvoirs publics, et mise en œuvre par l'exploitant et surveillée par l'IRSN. Et ensuite, on ira du côté des riverains d'une centrale. Est-ce que vient de dire Thierry Charles est de nature à vous rassurer? Ça ne me rassure pas. Oui, effectivement, on peut faire des études, on peut mettre en place des procédures, mais je veux dire, l'accident, il est, une fois qu'il survient, il est là. Et peut-être qu'on peut se dire, on fixe telle ou telle procédure, mais ces procédures, elles peuvent être réduites à néant. Il y a aussi tout ce qui est imprévisible. Là, on est en train de parler d'aléas qui sont liés au site. Pour nous, il y a un facteur qui est totalement sous-estimé. Là, je vais parler de totalement autre chose, c'est le facteur humain. À savoir, on peut se mettre en place des protections contre les inondations, estimer tout ça, mais estimer, par exemple, qu'un travailleur du nucléaire, par exemple, soit pris d'une crise de folie, ça, on ne peut pas le prévoir. Le burn-out des travailleurs, comment s'en prémunir, alors même que on voit tous les syndicats qui tirent la sonnette d'alarme par rapport donc aux conditions de travail des travailleurs du nucléaire et à commencer par les sous-traitants. Hein. Oui, surtout les sous-traitants qui font les travaux les plus ingrats et les plus exposants. Ça, c'est un réel problème. Quand on voit par exemple à Fessenheim, en 2012, l'autorité de sûreté nucléaire écrivait une lettre pour dénoncer le fait que 50% des semaines des travailleurs dépassaient les 48 heures. Dans ces conditions-là, vous pouvez avoir toutes les procédures, les belles études possibles et imaginables. Si les gens, si les travailleurs ne sont pas en mesure de faire leur travail correctement, s'ils sont débordés, s'ils sont sous pression, s'ils viennent de ce fait à oublier certaines étapes, eh bien là, on peut plus parler de sûreté. Bon, alors on va aller voir ce qu'en pensent et ce qu'en disent les riverains d'une centrale. Pour tout ça, c'est intéressant, la parole aux habitants, un peu comme un comité local d'information, un peu comme une CLI. Notre reporter, Annel Verzo, s'est rendu dans un village de Seine-Maritime, non loin de Dieppe, où l'on produit un délicieux fromage, le Neuchâtel. Alors, qui dit fromage, dit lait, et qui dit lait, figurez-vous, dit gros problème en cas d'accident nucléaire. Le lait fait partie des denrées rapidement et hautement contaminables. C'est pourquoi, dans un livre blanc à paraître fin 2015 sur la gestion de crise post-accident nucléaire, les commissions locales d'information, la fameuse CLI, suggèrent que le choix des terres pour l'épandage du lait contaminé soit fait de façon démocratique. Alors, c'est un endroit non loin d'une centrale nucléaire que celle de Penly. Avec Alain Correa, membre d'une commission d'information sur le nucléaire, Annel Verzo est allé à Nesle-Audan rencontrer justement des fermiers. Excusez-moi, on cherche la ferme de Muriel. Oui. On vient de passer devant, c'est ça, enfin, un peu plus haut? Juste en face, d'accord. Oui. Oui, c'est un producteur. Bon, okay. Merci madame. Merci beaucoup. Ah, c'est une dame qui est en train de faire son jardin. Je me trouve à côté de Neufchâtel en Bray, dans un petit village qui s'appelle... Nesle-Audan. Et on se trouve à peu près à 30 km de... Enfin, il y a deux centrales nucléaires qui sont pas très loin. Il y a 6 réacteurs nucléaires, 2 à Penly et 4 à Paluel. Ça fait 6 en tout. C'est Alain Correa, militant anti-nucléaire. Ouais, militant anti-nucléaire, oui. Membre de la CLIN, donc la Commission locale d'information sur le nucléaire, des centrales de Paluel, Penly, Dieppe. Là, on va se rendre chez un producteur de fromage, de Neufchâtel, qui a accepté de nous recevoir pour qu'on lui soumette un questionnaire. Pour savoir s'ils sont d'accord pour recevoir du lait contaminé et les épandre dans leur champ. Et là, on va tester. C'est live. On va demander aux gens s'ils sont d'accord pour qu'on mette du lait contaminé sur leur champ. Voilà, on arrive là. Ça doit être Muriel. Oui. Bonjour, là. Vous êtes Muriel ? Bonjour. Merci beaucoup. Ça n'a pas été trop dur à trouver ? On est passé une fois dans l'enfance, une fois dans l'autre. Une belle maison. Belle maison normande, typique. Mm-hmm. Asseyez-vous. Bonjour. Anaël, enchantée. Bonjour. Alain. Monsieur le Office. Donc on est autour d'une table et il y a donc Muriel. Oui, je suis la maman. Et c'est vos trois fils. Mes trois fils. Qui sont donc... Donc moi je suis Charlie. Vous avez quel âge ? Donc moi j'ai 32 ans. Moi c'est Romain, 31 ans. Et Loïc, 23 ans. Alors ici c'est une ferme qui produit du fromage. Oui, du fromage de Neufchâtel. Bah là nous on a 150 vaches laitières sur 180 hectares. On transforme toute la production en fromage de Neufchâtel. Et bon, on n'a pas le choix, nous pour faire Neufchâtel on a besoin du nucléaire pour le courant, faire tourner la salle de traite, les machines. Le nucléaire on peut pas trop s'en passer. Seul truc que je vois le nucléaire, c'est quand je passe à Saint-Martin en campagne, il y a l'Udibule, les aménagements c'est bien, ils ont internet à fond. Les gens qui habitent par là-bas, ils se plaignent pas. Hein. Au niveau des communes, les impôts locaux, tout ça c'est bien parce que la centrale elle ramène de l'argent. Donc il y a de l'emploi, il y a des gens qui travaillent sur place, des familles, des enfants, tout ça. Donc moi j'ai rien contre. Alors justement Alain, vous avez une question par rapport au nucléaire. Alors dans le livre blanc sur la gestion accidentelle et post-accidentelle, il y a une recommandation de demander à des agriculteurs s'ils seraient d'accord pour épandre dans leur champ du lait contaminé. Parce qu'en cas d'accident nucléaire, tout l'environnement, là où il y a les retombées, il sera contaminé avec différents radioéléments. Donc les vaches vont brouter l'herbe qui sera contaminée et donc par voie de conséquence le lait sera contaminé, donc impropre à la consommation. Et donc l'objectif c'est, comme on ne peut pas conserver ce lait, on le détruit, et pour le détruire on l'épand dans les champs. Alors est-ce que vous seriez d'accord pour épandre ce lait contaminé dans vos champs ? Moi personnellement je ne suis pas d'accord. Mais si on épandait le lait, comme vous dites, sur les terres, on contamine les terres et pour combien d'années ? Parce qu'après on ne peut plus s'en servir de ces terres-là, donc on ne peut plus nourrir les vaches. On ne peut plus faire rien. Donc c'est une exploitation morte. Vous en avez parlé ou pas dans le livre blanc, Alain ? On n'a pas évoqué. Mais... Livre, il est blanc, mais... tout est clair. Oui, complètement. Alors là, complètement, ça, il s'appelle pas livre blanc pour rien. Vous posez les bonnes questions. Nous, on était une vingtaine de personnes à en discuter et personne n'a soulevé le problème de la contamination des terres. Effectivement, on épand le lait, mais quid de ce qui se passe après ? Comment vous récupérez vos terres ? Ah bon, il n'y a pas forcément que le nucléaire. Nous, là, en Seine-Maritime, il y a quoi ? Il y a un an ? Il y a eu une fuite, un mélange de gaz chez Lubrizol. Nous, je vous jure, la nuit, tout le monde s'est réveillé. On croyait qu'il y avait fuite de gaz dans les maisons. C'était infernal. À nous, on s'est réveillé avec les yeux en pleurs et puis on disait qu'est-ce qui se passe ? Et puis bon, on aurait pu être tous gazés. On n'a pas informé les gens tout de suite. C'est vrai que c'était un peu la panique, quoi. Appeler les pompiers parce que c'est vrai qu'on se sentait un peu mal, on venait d'avoir un enfant et tout, on dit qu'est-ce qu'il faut faire, on savait pas trop. Donc service d'urgence t'appelle, tout est saturé, tu sais pas quoi faire, on était un peu perdu. Vous l'avez senti, la seule différence c'est que vous le sentez. C'était une fuite de mercaptan, le mercaptan c'est ce qu'on met dans le gaz pour le rendre malodorant. Tout le monde l'a senti, je veux dire, de Rouen, Paris, le sud de Londres, tout le monde l'a senti. Et le problème c'est qu'avec le nucléaire on le sent pas. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on diffuse du mercaptan lors des fuites en cas d'accident nucléaire, où justement, ça permettrait de localiser le nuage radioactif. D'associer un marqueur odorant et peut-être visible. Oui. Est-ce que la Terre n'a déjà pas de la contamination qui arrive petit à petit, vu qu'on ne nous dit rien, ça, c'est pareil. Non, c'est vrai que le système des rejets, c'est vrai que certains y pensent. C'est bon, c'est bon. Parce que par rapport aux autres coins de la France, on est quand même un peu plus concernés, hein. On est quand même un peu cerné par les centrales. Nous, on a une qui pète, la deuxième est dans le périmètre, elle pète aussi en fait. Vous n'avez pas eu de pastilles d'iode ici ? Non. Ça s'arrêtait à Landinière, à une dizaine de kilomètres d'ici. Mm-hmm. C'était un cercle autour, 30 kilomètres autour, je crois. Mais ça n'a pas dépassé les 30 kilomètres. Mm-hmm. Je considère qu'après. Après, il n'y a plus de risque. Moi, personnellement, je préférais une grosse éolienne pas loin de chez moi que tout ça. Finalement, on préférait l'éolienne au nucléaire. Après, je vois pas trop le problème. Hein. L'éolienne tourne avec le vent, il arrêtera jamais de tourner. Ou sinon, après, si on veut plus de nucléaire, il faut peut-être se pencher un peu sur ce que faisaient les anciens, les moulins à eau. Alors le lait, les pastilles, on pourrait en parler 3 heures. Le problème, c'est qu'il nous reste 3 minutes et demie à vous partager entre vous deux. Désolé. Donc Charlotte Mijon, ce que vous inspire, ce que vous venez d'entendre, déjà. Bah, c'est très vrai, et c'est d'autant plus vrai qu'en France, si on regarde la carte des centrales nucléaires et qu'on la superpose avec la carte, par exemple, des grands vins ou des produits agricoles renommés, eh bien, malheureusement, on peut constater que le champagne est tout près de la centrale nucléaire de Nogent, les grands vins de Bordeaux, pareil pour la Normandie ou la fabrication donc du camembert, du Neuchâtel est tout près des centrales, donc oui. S'il y a un accident, ça veut dire aussi renoncer à tout ça, ça veut dire aussi renoncer à des exportations. La France tire quand même une certaine partie de ses revenus d'exportation de produits agricoles renommés pour leur qualité, donc... Bon, préoccupant, quoi. Oui, voilà, c'est très préoccupant. Alors, Thierry Charles, justement, parce qu'on peut aussi parler de prévention, l'IRSN, vous surveillez l'état de la pollution induite par l'activité nucléaire, j'imagine, tous les jours. C'est un travail important pour vous. Un premier point pour commencer, ça montre bien Puis pourquoi parle-t-on de l'accident ? Parce que justement, même si l'objectif est de l'éviter, c'est pas pour autant que l'on peut dire qu'il n'y en aura jamais. Donc il faut s'y préparer. Et ces débats que l'on vient de voir à l'instant, ça montre bien que les pouvoirs publics se préoccupent de qu'est-ce qui se passerait si malgré tout il y avait un accident, comment réagir ? Au niveau de l'IRSN, par contre, en termes de surveillance, nous avons des moyens de surveillance, des réseaux de surveillance qui permettent de surveiller la qualité de l'air, finalement, et puis des moyens de faire des mesures. Bien entendu, le premier responsable, c'est l'exploitant, c'est lui-même qui fait des mesures, qui rend compte de ces mesures à l'autorité, et nous les examinons, mais en plus, nous avons nos moyens propres de mesures. Est-ce que l'écosystème a été perturbé par l'activité nucléaire industrielle ? Ma question est claire. Est très clair, mais la réponse peut pas être aussi simple que ça. J'imagine. Je vais vous donner des exemples. Le principe général, c'est de surveiller quels sont les niveaux de radioactivité qu'il y a autour des sites. Donc, on connaît, sur certains sites, il y a eu des légères contaminations, par exemple en tritium, c'est connu, de ce point de vue-là, et donc, on les suit aussi par le biais de nos mesures. Après, ensuite, il faut être bien clair, une installation nucléaire, ça a des autorisations de rejet d'effluents radioactifs. Et qui dit rejet d'effluents radioactifs, dit remise dans le milieu environnant de radioactivité. Donc l'objectif, c'est que avant que ces autorisations soient délivrées, il y a un examen pour vérifier que les conditions de réalisation sont acceptables, et ensuite des moyens de surveillance des rejets qui sont faits. Charlotte Mijon. Oui, il y a des autorisations, tout ça, mais ça n'empêche qu'il y a effectivement des rejets et qui ne sont pas anodins. Il n'y a pas eu d'études jusqu'ici donc sur l'environnement global, parce qu'on n'a pas de point zéro, on n'a pas fait non plus de mesures au moment avant la construction des centrales. Par contre, des choses à prendre en compte, c'est par exemple, en Allemagne, une étude a été faite qui montre que dans un rayon de 5 km autour des centrales, on a un surcroît de leucémie infantile. C'est faux. Ah, si, cette étude, elle existe, elle n'a pas été faite par des antinucléaires, elle a été faite par l'université de Mayence. Des mesures ont été faites, effectivement, mais en termes d'études épidémiologiques, il faut plus de données pour conclure. Donc, c'est pas si simple que ça. Alors, juste conclusion, Charlotte Mijon, parce que c'est terminé. Je vous laisse le dernier mot. Pour rebondir là-dessus, si des études il y en a eu notamment une autour de La Hague qui a été faite, mais pour finir là-dessus, la réaction de Bernard Cazeneuve à l'époque, donc qui était déjà élu dans cette région-là, était non pas de dire en tant qu'élu il faut que les pouvoirs publics protègent la population, mais il faut que la COGEMA communique pour rappeler que le nucléaire est très important pour la France. Merci, je vous interromps un peu brutalement, mais si on dépasse le temps, il y a ce qu'on appelle une réaction en chaîne, sans mauvais jeu de mots. Merci en tout cas, merci à tous les deux. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'inondation de la centrale du Blayais, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la ténébreuse affaire du suicide de François de Grossouvre.